Voici votre bulletin régional. Dans le cadre des activités de l'âge d'or de Chartierville, on organise un bingo le 17 mai à 12h40. Fête de la pêche le 17 mai à Saint-Isidore de Clifton, aux étangs La Branche. Pour information, demandez Michel au 819-658-3666. Le 17 mai à 9h30, venez essayer le Kangoo Jumps à la salle Guy Veilleux de Cookshire. Information et réservation à info@studiolise-lambert.com, 819-562-6697 ou à loisir.cookshire@hotmail.com, 819-875-5681. Jean de Cookshireton, c'est le moment d'inscrire vos enfants au service d'animation estivale. Pour ce faire, la municipalité a organisé des soirées d'inscription. Le 18 mai, de 18 à 20 heures pour le secteur Cookshire, à la salle Guy Veilleux. Le 19 mai, de 18 à 20 heures, pour le secteur Johnville, au centre communautaire de Johnville. Le 20 mai, de 18 à 20 heures, pour le secteur Sireville, au centre communautaire de Sireville. Pour l'inscription, vous avez besoin d'une photo de l'enfant, de sa carte d'assurance maladie, d'un justificatif domicile obligatoire et du formulaire d'inscription qui est disponible sur le site web de la ville de Cookshireton. Pour information, ville de Cookshireton, 819-560-8585, Manon Leroux, poste 2310, manon.leroux@hsfqc.ca et Annick Fredette, poste 2311, annick.fredette@hsfqc.ca. La relève du Haut-Saint-François organise une activité mijoton ado à la salle Guy Veilleux de Cookshire le 18 mai. Inscription et information à facebook.com/relève-hsf. Par courriel à la-relève-hsf@hotmail.ca. Par téléphone au 819-416-1508.